professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment marche le jeu d'intrigue et de contre-intrigue dans la crise en Égypte des années 1881-1882 ? Comment chacun agit en fonction de complots qui sont des purs fantasmes et comment s'affirme dans le pays un mouvement national et constitutionnaliste ? Comment une coalition d'intérêts hétérogènes peut-elle devenir l'affirmation d'une politique et d'une identité égyptienne ? Pourquoi la France est-elle opposée à un retour des militaires ottomans ? Qui est Ourabi ? Comment peut-il être présenté comme le libérateur de l'Égypte des différentes formes d'oppression ? Comment la presse d'opposition égyptienne déploie-t-elle son habileté à renverser les positions et arguments européens ? Quelle est la compatibilité des valeurs de l'islam et des valeurs européennes ? Comment joue l'idée de rattrapage de l'Europe qui domine la modernité ? Dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux provinces arabes de l'Empire ottoman, nous retrouvons aujourd'hui l'analyse de la révolution égyptienne entre guillemets des années 1881-82 que nous présente sur plusieurs cours Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Dans son livre Les crises d'Orient, Questions d'Orient et grands jeux 1768-1914, apparaître chez Fayard à la mi-février, l'historien résume la situation complexe et les données à garder à l'esprit dans le fil des événements en Égypte. Deux conflits, écrit-il, sont en interaction permanente. Le premier oppose l'autocratie khédiviale au mouvement constitutionnaliste. Le second concerne l'action conjointe franco-britannique par rapport à l'ensemble des puissances européennes et de l'Empire ottoman. Les autres puissances, en effet, considèrent que le condominium franco-britannique ne porte que sur le domaine des finances et qu'une intervention des deux puissances rouvrirait la question d'Orient et aurait des conséquences sur l'Empire ottoman. Il s'agit d'éviter la guerre et l'anarchie à tout prix. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence le 30 novembre dernier, la crise égyptienne des années 1881-1882. La liberté de ton de la presse égyptienne inquiète les responsables français parce que cette presse peut être lue en Tunisie et en Algérie. Et les représentants, les autorités françaises de Tunisie et d'Algérie envoient des signaux d'alarme à Paris sur l'influence néfaste de la presse publiée en Égypte. Alors on trouve par exemple cette note intéressante dans les archives du consulat de France qui parle d'un journal égyptien qui est le journal officiel, enfin le Wakaïr al-Misriyeh. Le journal du gouvernement égyptien a pour rédacteur en chef Mohamed Abdou, indigène, ancien étudiant de l'université d'El-Azhar. Il était cité il y a 2 ans comme le plus fervent adepte des doctrines libérales du philosophe Jamaluddin El-Afrani, qui fut exilé d'Égypte à la demande de M. Lassalle, alors général de l'agence britannique. À la suite du départ de Jamal ed-Din, le gouvernement du Khédive intima l'ordre au sieur Mohamed Abdou de ne pas sortir de son village situé aux environs de Damano. Ce n'est qu'après l'arrivée de Riaz Pacha au pouvoir que le sieur Mohamed Abdou fut nommé grâce à l'intervention du grand maître de l'université d'El-Azhar et après avoir renié les doctrines de Jamal ed-Din, rédacteur du journal officiel arabe. Mohamed Abdou a pour collaborateur dans la rédaction d'Al-Wakair al-Misriyeh les chers Abdelkarim Salman al-Jambiri, Sard Zarloul, Mohamed Rofa et Ibrahim al-Balboni, tous professeurs à l'université d'Al-Azhar et anciens disciples de Jamal ed-Din. Alors, bon, c'est un texte fascinant pour ceux qui connaissent l'Égypte, puisque on voit là qu'il y a un demi-siècle d'histoire de l'Égypte qui s'annonce, ne serait-ce qu'avec le, probablement la première fois que le nom de Sard Zarloul apparaît dans la correspondance diplomatique française. Mais c'est aussi le fait que, c'est récemment que les historiens ont insisté sur ce point, c'est que les disciples de Jamal ed-Din se sont ralliés à Riaz après l'exil, et que Riaz s'est appuyé sur les gens du cercle d'Afrani. Afrani, lui, se trouve en Inde pour l'instant, donc on ne le reverra que dans 2 ou 3 ans quand il reviendra en Europe avec Mohamed Rabdou, mais ça, il faudra attendre un petit peu. Alors, l'homme qui monte dans ces milieux de la presse égyptienne, c'est Abdallah Nadim, qui est un journaliste et orateur, né en 1834 à Alexandrie, dans un milieu tout à fait modeste. Il a fait des études religieuses islamiques assez complètes, mais pour pouvoir assurer sa subsistance, il s'est engagé dans l'administration du télégraphe. Il est représentatif du milieu nouveau en Égypte qu'on appelle les gens Artarbouche, qui représente la culture nouvelle tout en restant fidèle au contenu de la religion islamique. Un peu plus tard, ces gens Artarbouche, on les définira comme, globalement comme la classe des Effendi, l'Effendiya, qui jouera donc ce rôle essentiel dans toute l'histoire de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais en 1880, on ne dit pas encore vraiment Effendiya, on dit les gens Attarbouche. En arabe, on dirait les Antarbouchés, par rapport aux Anturbanais, qui sont les religieux. Et dans les années 1870, Nadim a rejoint le cercle de Afrani et de Abdou. Il partage avec eux la conviction que la réforme religieuse et la réforme politique ne font qu'un, puisque l'arriération où se trouve l'islam est due en particulier au despotisme. Avec les autres membres du groupe, il adhère à la franc-maçonnerie. En 1879, il se lance avec un certain nombre de compagnons dans la propagande constitutionnaliste. Il est difficile de dater les débuts de relations de Nadim avec les militaires, mais il est certain qu'après les événements du mois de février, les constitutionnalistes se sont rapprochés des officiers, leur fournissant un programme intellectuel qui leur manquait. Et de ce fait, Nadim devient l'une des plumes de Rabi dans les proclamations. Et alors là, on va revoir un vieil ami qui ne va pas nous quitter pendant toute l'année. C'est Blount. Vous vous rappelez toujours, les Blount, ça fait un certain temps que je parle, Lady Anne et Wilfrid. Bon, on les avait laissés l'autre jour dans le Nedj en train de chercher des chevaux. Et là, il est revenu en Égypte, Wilfrid, avec Lady Anne, et il est allé prendre des leçons d'arabe après d'un cher d'Al-Azhar, avec qui il a de longues conversations sur l'islam. Et ce cher l'introduit au début de 1881 auprès de Mohamed Abdou. Ensuite, Blount se rend à Jeddah dans le but de rencontrer un religieux wahhabite avec lequel il pourrait dresser un plan de réforme de l'islam, parce que ses ambitions sont modestes, il veut réformer l'islam, Blount. Mais il est tombé malade sur place et revient au Caire pour sa convalescence, et donc reprend ses études sur l'islam avec ses amis de l'Azhar. Ensuite, il repart avec Lady Anne pour la Syrie et la Mésopotamie, séjournant dans les tribus bédouines comme d'habitude. Et il pense qu'elles sont au bord de la révolte contre le pouvoir ottoman et n'attendent qu'un soutien de l'étranger, qui, tout en état de cause, ne peut être que l'Angleterre. Donc Blount construit en 1880-81 un grand projet de révolte arabe bédouine soutenu par la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, durant l'été 1881, il rédige ses idées dans une série d'articles publiés dans la presse britannique, qu'il réunit ensuite sous le titre générique de « The Future of Islam », l'avenir de l'islam. Comme Palgrave 10 ans plus tôt, il commence par évoquer un renouveau, un revival, dans le monde musulman. Il tente de donner une estimation du nombre musulman dans le monde qui serait de 175 millions, dont 145 millions de sunnites et 15 millions de chiites. Il met à part les wahhabites qui seraient 8 millions. Il continue par un exposé des grandes articulations de la foi et de la religion musulmane. Alors, l'intérêt essentiel du livre de Blount, c'est la question du califat. Puisqu'à juste titre, il rappelle que pour les premiers ottomans, le titre sultanal était plus important que celui de calife et que la prétention d'un califat ottoman est relativement récente. Or, la loi musulmane exige que le calife soit de Quraysh, la tribu du prophète. En conséquence, le califat ottoman est un califat de fait, de nécessité, dans l'attente d'un meilleur califat. Et l'élection actuelle du calife à Constantinople est un simulacre. La transmission des Abbassides aux Ottomans est douteuse. La protection des villes saintes est une réalité de fait, ainsi que la possession des reliques du prophète. Les sultans du Maroc et les empereurs moghols n'ont d'ailleurs jamais reconnu le califat ottoman. Et finalement, ce califat ottoman est une invention de la fin du XVIIIe siècle. Blount évoque ensuite l'arrivée à Constantinople durant les premières années de Abdelaziz, c'est-à-dire dans les années 1860, d'un homme d'État doté d'une grande culture islamique et européenne, un ami de la jeune Turquie, qui veut réorganiser et renforcer le pouvoir central de l'Empire ottoman. Il a alors plaidé pour l'utilisation de l'autorité spirituelle du sultan en tant que calife pour mieux contrôler les provinces et combattre la diplomatie européenne. Cette autorité doit s'étendre aux musulmans en dehors de l'Empire. Le gouvernement ottoman a suivi cette voie et s'est lancé dans une action de propagande en utilisant ce nouvel instrument qui est la presse. Avec Abdülhamid, le sultanat a retrouvé une forte personnalité décidée à utiliser le plus possible l'arme du califat. Il a réussi à rallier les musulmans des Balkans, d'Anatolie et d'Afrique du Nord. La volonté de se tenir à distance de Constantinople a disparu après la conquête de la Tunisie par les Français. Maintenant, les musulmans indiens prient pour lui dans les mosquées. C'est un califat réactionnaire qui défie l'Europe et paraît vouloir, si nécessaire, mener un jour les musulmans dans la voie du djihad. Il existe pourtant un groupe de réformateurs musulmans qui s'oppose à cet islam réactionnaire. Le califat ottoman n'est qu'un califat de nécessité, qui pourrait donc être calife à la place de l'actuel calife. Après les défaites balkaniques, l'islam est en train de se replier sur l'Asie. On peut penser à établir le califat à Damas ou au Caire, mais ce qui lui garantirait sa totale liberté, loin des ingérences étrangères, serait de l'installer tout simplement à la Mecque ou à Médine, comme au temps des origines. Le candidat le plus naturel ne peut être que la famille chérifienne de la Mecque. C'est la seule à avoir les titres nécessaires pour une revendication légitime. Un califat de la Mecque aurait évidemment une moindre importance politique que celui du Bosphore, mais son autorité religieuse serait bien mieux assurée du fait du pèlerinage. Tous les musulmans non-turcs se rallieraient sans hésitation à ce califat. Blount apporte ensuite la question fondamentale. Est-ce que l'islam a les moyens de se réformer dans sa vie politique et morale? S'il s'en tient à ses propres forces, il est condamné à périr, car le monde de l'islam est sans cohésion et divisé par des mers et des déserts. Déjà, ce qu'on appelle le progrès du monde l'enveloppe avec ses bateaux et son commerce, et avant tout avec la pensée imprimée. Pressé par tous ses voisins, l'islam doit faire face à l'invasion intellectuelle de ses frontières avec l'intelligence correspondante. En exprimant l'opinion que l'islam n'est pas destiné à périr, Blount s'oppose à la pensée générale de ses compatriotes, qui considère que l'islam est immuable. Il sait bien qu'il y a de très fortes résistances au changement, mais le fait est que l'islam est en mouvement, dit Blount. Depuis une dizaine d'années, un grand nombre de religieux sont passés du côté de l'opinion libérale et ont fait des efforts sérieux pour concilier le désir d'amélioration avec une toujours aussi forte loyauté à l'islam. Il existe bien un parti libéral qui ne se limite pas aux intrigants politiques bien connus en Europe comme Midat Pacha, mais s'étend aussi à des hommes à la piété sincère qui veulent introduire des réformes tout aussi bien morales que politiques. Ils veulent une religion plus austère qui libère l'intelligence des croyants des entraves de la scolastique. Ils ressemblent fortement aux réformateurs du christianisme en Europe au XVe siècle. À part de rares fidèles européanisés, il n'existe pas de musulman sceptique, c'est-à-dire un musulman qui ne croit pas à la mission divine de Mahomet. On peut être totalement dépravé ou avoir adopté le langage de l'Europe. On ne cesse pas de croire à la vérité du Coran et au jugement dernier. L'islam est aussi éternel que le christianisme. Il est dans sa plus simple expression la reprise emphatique de la croyance immémoriale des sémites et existera tant que les sémites existeront en Arabie. Ça, c'est du Renan. La loi islamique n'est que la codification de leurs mœurs et coutumes. Enfin, la pensée sémitique est le levain qui a influencé les esprits des nations. Même l'Angleterre, qui n'a jamais été en contact direct avec l'Arabie, n'a pas cessé d'être dominée par la pensée arabe. La chevalerie, une notion purement bédouine, vient à peine de s'éteindre chez nous. La romance produite de l'Arabie pré-islamique est encore pour nous un motif d'inspiration. Notre peuple prie le Dieu d'Abraham. Si nous avons été aussi influencés à distance, qu'en est-il des peuples qui ont été modelés par la pensée arabe ? Plus dramatiquement, Blount perçoit deux voies de renouvellement de l'islam. La première est celle de la violence. Les croyants de toute obédience devant les épreuves peuvent croire qu'ils sont arrivés à la fin des temps et qu'un homme envoyé par Dieu, un Mahdi, viendra rétablir la justice sur terre. Il peut apparaître dans un coin éloigné de la terre et marcher sur la Mecque. Pour les chiites, ce Mahdi n'est autre que le 12e imam qui viendra quand le règne des Turcs sera fini. On parle d'ailleurs de l'existence d'un tel personnage au Soudan. Mais ce réformisme puritain par les armes se heurtera aux Ottomans et aux Européens, puisque dans la marche vers la Mecque, il faudra traverser le canal de Suez. La loi islamique est une construction rationnelle fondée sur l'exégèse des traditions les plus anciennes. La liberté d'interprétation, l'ijtihad, a cessé d'être pratiquée quand les Arabes ont cessé d'être dominants dans le monde de l'islam. Si la pensée arabe redevient dominante, la tendance ira vers une lecture plus large et plus libérale de la loi, et en même temps, il pourrait y avoir une réconciliation avec la chrétienté, voire avec le christianisme. Le problème est d'adapter la loi aux besoins du monde moderne. Actuellement, il n'existe pas d'autorité islamique capable de l'imposer au monde musulman. Seule une restauration du califat tel qu'il était à l'origine pourrait le faire. Cela ne peut venir du califat ottoman, mais bien d'un califat de Quraysh installé à la Mecque. C'est aux monde musulmans de faire leur propre régénération, selon leurs propres lois et consciences. L'Angleterre doit comprendre que l'islam continuera d'exister et ne peut être détruit. Le monde musulman doit s'attendre à de nouvelles pertes territoriales. Français, Espagnols et Italiens vont achever la conquête de l'Afrique du Nord et le refoulement des populations musulmanes de littoral. L'islam compensera ses pertes en s'étendant à l'Afrique noire. De même, la Turquie d'Europe est condamnée à disparaître et la Russie pourrait s'emparer de l'Anatolie. La Perse chiite risquerait le même sort. La chute de Constantinople mettra fin à la confusion du spirituel et du temporel en islam. Le califat du futur sera une autorité spirituelle qui donnera un nouvel élan à la religion. De tous les Européens, les Anglais sont les plus proches des musulmans car ils sont les plus loin d'esprit de croisade. L'Angleterre devra se proclamer protectrice du nouveau califat et encourager le renouveau de l'islam plutôt que d'essayer de le combattre. Donc ce texte extraordinaire, absolument étrange, que veut Thatcher of Islam, que vous pouvez trouver sur l'Internet, hein, vous trouvez sur l'Internet des facsimiles, enfin des PDF de des différentes éditions de Thatcher of Islam. Et il est très difficile de savoir dans ce texte ce qui appartient à Blount et ce qui appartient à Mohamed Rabdo. Bien entendu, L'idée de mettre l'islam sous protection anglaise, c'est du blunt, il n'y a pas de problème. Mais l'idée d'un califat arabe réformateur est un thème fréquemment traité dans les milieux réformateurs égyptiens. Blunt attribue d'ailleurs l'idée première au calife Ismaïl, désireux de se venger de sa déposition au détriment des Ottomans. Et en 1907, Blunt publiera une histoire secrète de la révolution égyptienne qui fera qu'ensuite tous les récits de la révolution égyptienne tourneront comme étant des réfutations de Blunt. Blunt est un personnage essentiel, ne serait-ce de mémoire, il n'est mort qu'en 1921. Et il est bien évident que tous les responsables britanniques de la Première Guerre mondiale avaient lu The Future of Islam. Donc, c'est un texte sur lequel il faut encore beaucoup réfléchir parce qu'il est vraiment très énigmatique. Ce qui nous intéresse là immédiatement dans le texte de 1907 et puis de 1882, c'est qu'il explique que c'est au Caire pour la première fois qu'il a entendu parler d'un homme puis de génie puissant, le cher Jemal Eddin El-Afrani, qui vient d'Asie centrale. Il explique qu'Afrani est le premier à avoir compris qu'au lieu d'imposer des réformes européennes par le haut, il vaut mieux reconsidérer toute la pensée islamique en fonction des connaissances modernes. Et l'audace de la prédication d'Afrani s'appuie sur une maîtrise parfaite du savoir islamique. Et toujours selon Blunt, Afrani a ainsi constitué tout un parti libéral de la réforme. Alors, on verra, dans les années à venir, Blunt et Afrani auront un compagnonnage dans les années 1880. Et quand Afrani rentrera de l'Inde et qu'il ira en Europe, Blunt sera l'un des correspondants d'Afrani. Donc, pour le texte de 1907, ça se comprend comme cela. Et Blunt raconte qu'à Damas, il a, lui, Blunt, tenté de lancer son idée de califat arabe. Et il a demandé à l'un des fils d'Abdelkader de sonder son père pour savoir s'il voulait prendre la direction du mouvement envers le califat arabe. Et toujours selon Blunt, le vieux chef algérien a fait répondre qu'il était trop vieux pour prendre ce commandement, mais que ses fils pourraient y jouer un rôle actif, lui-même pouvant néanmoins accepter d'être choisi comme calife. Néanmoins, le pouvoir ottoman est trop fort pour qu'un soulèvement syrien puisse avoir lieu sans soutien de l'étranger, aurait ajouté Abdelkader. Cette information donnée par Blunt est évidemment contestable, puisqu'il n'a pas rencontré Abdelkader. Il n'a discuté qu'avec un fils d'Abdelkader, et on a déjà vu que plusieurs fois, Abdelkader a rejeté les propositions européennes qui lui avaient été faites de se créer une royauté ou une vice-royauté syrienne. Mais il est vrai aussi que depuis tout le début de sa carrière, dans les années 1830, Abdelkader a toujours été un adversaire des Ottomans. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un élément à considérer. En tout cas, Blunt a transmis son projet de faire d'Abdelkader un calife arabe à un secrétaire du premier ministre britannique Gladstone, qui il a reçu une réponse elliptique du style que le contexte actuel ne se prête pas à un tel projet, mais cela ne veut pas dire qu'un jour l'ordre des choses puisse être modifié. Bon, tout ça évidemment est indiqué par Blunt dans son histoire secrète, ce qui pose toujours des problème. Alors là, maintenant, nous allons passer à la prise de pouvoir par le Parti national. Là, vous avez une caricature française de l'époque assez amusante, avec comme légende « Dites-moi, colonel, c'est mon sabre que vous avez là, celui qui défend les institutions et les combats au besoin. » Ceci est une référence pour ceux qui ont de la culture du XIXe siècle à un passage célèbre des mémoires de Joseph Prud'homme d'Henri Mounier, sous la monarchie de Juillet. Alors, de mémoire, parce que je n'ai plus le texte sous les yeux, je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, c'est un prud'homme recevant un sabre et disant, en général, ce sabre est le plus beau jour de ma vie, je m'en servirai pour défendre les institutions et au besoin de les renverser. Ça explique cette caricature de 1881 qui fait donc référence dans un contexte égyptien à ce passage de Joseph Prud'homme. Donc, la tension est très forte entre les colonels et le pouvoir du Khédive. Et donc, les militaires ont décidé de faire un coup de force préventif à la fin de l'été. Alors, il faut savoir qu'habitude en Égypte, à cette époque-là, comme à d'autres d'ailleurs, en été, tout le monde, enfin toute la classe dirigeante, se transporte à Alexandrie à cause de la chaleur. Donc le Khédive est à Alexandrie, etc. La journée du 9 septembre 1881 est une certaine confusion, puisque les unités militaires bougent dans tous les sens, on ne sait plus à qui elles obéissent, mais au début de l'après-midi, il est clair que c'est Orabi qui l'a emporté, et il impose ses revendications qui sont transmises au Khédive par l'intermédiaire des consuls européens. Vous voyez toujours ce rôle fondamental des consuls à l'intérieur du système égyptien, donc les revendications sont toujours les mêmes. L'armée de 18 000 hommes, les fortifications d'Alexandrie, le renvoi du ministère Riaz, et la désignation de Mahmoud Sami el-Baroudi au ministère de la guerre et la convocation de l'Assemblée des députés. Donc là, cette fois, Riaz Pacha est obligé de quitter le pouvoir et donc la seule personnalité égyptienne qui puisse être acceptable pour tout le monde, c'est Chérif Pacha. Alors, j'ai déjà eu l'occasion l'année dernière de vous parler de Chérif, qui est l'exemple même de cette aristocratie turco-circassienne en voie de formation, puisque son père faisait partie de la beït de Mohammad Ali, donc de l'entourage du premier vice-roi, et ensuite lui-même a fait carrière sous Ismaïl, et il parle un français parfait. Il représente la classe des grands propriétaires fonciers et c'était un des hommes clés du système politique égyptien. Alors, d'un côté, il se présente comme libéral, mais de l'autre côté, pour lui, il est pratiquement impensable qu'un Égyptien de souche puisse avoir une position d'autorité forte dans le pays, puisque ce qui est le paradoxe de cette classe des turco-circassiens, ils se sentent propriétaires de l'Égypte. Mais comme ils sont propriétaires de l'Égypte, ils sont égyptiens. Si vous comprenez la logique dans laquelle ces gens se trouvent. Chérif a le soutien de l'armée, des consuls, et il est acceptable pour le calife. Et France Culture vous présente Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, la crise égyptienne de 1881-1882. Alors à Paris, notre ami Barthélemy Saint-Hilaire considère qu'il est exclu d'avoir recours à une intervention militaire ottomane à cause du danger que représente le panislamisme, je cite. Les passions qui agitent les populations musulmanes, le redoublement de fanatisme qui excite en ce moment contre les nations chrétiennes le monde de l'islam, enfin les dispositions dont le sultan actuel se montre personnellement animé à notre égard, et le désir qu'a manifestement ce prince d'étendre ou de raffirmer son autorité dans tous les territoires habités par les mahométans, en les détachant autant que possible de l'influence des peuples de l'Occident, doivent nous faire envisager avec une défiance extrême une intervention turque sur les bords du Nil. Ça va être la ligne rouge de la politique française durant toute l'année de crise. La France est absolument opposée d'un retour militaire des Ottomans en Égypte. Là, Sharif, lui, se fait prier, ce qui permet de se mettre en meilleure position de force. Son idée, c'est de s'appuyer sur la notabilité provinciale égyptienne afin de pouvoir contrebalancer le poids de l'armée dans les affaires publiques. Et c'est donc l'idée qu'il se présente comme libéral de procéder à une désignation d'une chambre des notables, ce qui lui donnerait le moyen de contrecarrer le pouvoir militaire. Les Britanniques sont comme les Français, ils sont réticents sur une intervention militaire ottomane, mais ils proposent que les Ottomans envoient un général conseiller le Khedive, c'est-à-dire faire une médiation entre le Khedive et les colonels. Et la question est de savoir pour le Khedive lui-même ce qu'on peut en penser, parce qu'on le soupçonne de vouloir provoquer une intervention militaire étrangère, soit ottomane, soit européenne, pour se faire rétablir dans la plénitude de ses pouvoirs. Alors, vous avez un jeu compliqué d'intrigue, de contre-intrigue, puisque la théorie du complot satisfait tout le monde. On soupçonne les intrigues de l'ancien Khedive Ismaïl, qui est en exil en Italie. Et c'est vrai qu'il essaye de jouer sur un certain nombre de ses anciens soutiens. Les intrigues du prince Halim, toujours le même, celui qui aurait dû hériter du Khedivia à la place de Tewfik et qui est à Constantinople. Et alors que les Européens, on l'a vu, soupçonnent Abdulhamid d'un complot pan-islamique, lui, il soupçonne les Européens d'un complot arabe contre sa personne. Autrement dit, chacun va agir en fonction des complots supposés de l'autre, qui sont en général des purs fantasmes, mais c'est comme ça que les complots sont les moteurs de l'histoire, non pas par leur réalité, mais par les comportements qu'ils induisent chez les uns et chez les autres. Alors, dès le 9 septembre, Tewfik s'était adressé par télégraphe à Abdulhamid pour lui demander une intervention militaire. Et Abdulhamid lui avait répondu en demandant des informations plus précises. Le 11 septembre, le Khedive lui avait répondu qu'il y avait deux causes au mécontentement. Le fait que l'Égypte soit sous domination turque et européenne et que la richesse du pays soit engagée dans le paiement de la dette. Il avait ajouté qu'il ne savait pas qui était derrière le mouvement. Tout ce qu'il pouvait dire était que le journal Abu Nadara, c'est-à-dire de Jam Sanoua, qui était le grand journal satirique d'opposition, était publié à Paris et qu'il était financé par le prince Halim et qu'il arrivait clandestinement en Égypte, évidemment par le biais des postes consulaires, puisque je rappelais, les puissances européennes avaient un système postal particulier, ça faisait partie des capitulations. Dans le même temps, Abdulhamid avait fait savoir aux Français et aux Anglais que pour lui, il était inacceptable que l'on puisse faire une constitution en Égypte, parce que ce serait donner le mauvais exemple, alors que lui venait de suspendre la constitution ottomane. Donc, Sherif Pacha est chargé de former le nouveau gouvernement. Et Shérif apparaît comme l'homme du compromis, avec un programme de gouvernement. Il s'empresse de communiquer aux consuls français et britanniques, soi-disant pour obtenir des conseils, c'est-à-dire en fait pour obtenir l'approbation des consuls. Il se présente donc dans la continuité des réformes financières entreprises sous Riaz Pacha. Et il ne veut pas du tout remettre en cause le contrôle financier franco-britannique. En revanche, il veut établir un système de séparation des pouvoirs en Égypte entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, et donc établir un système plus ou moins libéral en Égypte. Alors, c'est là, on est toujours dans les paradoxes habituels. Riaz, qui était un autoritaire, avait fait entrer des Égyptiens de souche au gouvernement, dont le célèbre Ali Pacha Moubarak, qui est un des grands personnages de l'Égypte de la fin du XIXe siècle. En revanche, Shérif, qui se présente comme libéral, n'a que des Turco-Circassiens dans son gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention sur ces détails et que le clivage est plus compliqué entre Turco-Circassiens et Égyptiens de souche. Ce qui est clair et net dans les sources, c'est que la demande est unanime en Égypte pour la réunion d'une chambre des représentants et la rédaction d'une constitution. Dans ces mémoires, je rappelle ce qu'on appelle les mémoires d'Orabi, c'est-à-dire le texte qu'il a déposé pour sa défense à la fin de 1882 quand il passera devant un tribunal, il marque que l'existence d'une chambre de représentants permettra de garantir à la nation égyptienne, il utilise le terme al-umma al-misriya, la sécurité des biens et des personnes et leur dignité. Donc là, on a la vieille revendication de l'élite égyptienne d'un état de droit, puisque ce que l'élite égyptienne craint depuis le début, c'est que le khédive s'empare de ses biens et éventuellement les fasse assassiner, ce qui était déjà arrivé encore, enfin ce qui était encore arrivé à l'époque d'Ismaël Pacha. Et en même temps, il dit, ce qui est très intéressant, il dit que ces lois doivent être sur le même modèle que celles des tribunaux mixtes. Ce qui fait qu'il présente les tribunaux mixtes comme un modèle de législation pour l'Égypte. Les tribunaux mixtes qui viennent d'être établis, donc ce sont les tribunaux dans lesquels, quand il y a une affaire touchant un Européen et un Égyptien, c'est les tribunaux mixtes où siègent des juges européens et des juges égyptiens qui décident, enfin, des juges occidentaux puisqu'il y a un juge américain dans les tribunaux mixtes. Donc, et la base juridique des tribunaux mixtes, c'est le code Napoléon. Donc c'est comme ça, c'est le droit français. Et pendant ce temps-là, Abdallah Nadim, le grand homme de presse, lance une campagne qui présente Orabi Pacha, enfin Orabi pour l'instant il n'est pas encore Pacha, comme le libérateur de l'Égypte, des différentes formes d'oppression qui l'étouffent. Et tout le discours consiste à dire que la Constitution n'est pas incompatible avec le respect des obligations créé pour l'Égypte par la dette égyptienne. Après tout, disent les constitutionnalistes, l'Égypte est dans un état de civilisation plus avancé que celui de l'Angleterre ou de la France quand la France et l'Angleterre ont adopté des constitutions. Ce qui pose un problème parce que trouver une constitution en Grande-Bretagne, mais pas bon, ça c'est un autre sujet. De plus, il s'agit d'une question intérieure égyptienne dans lequel les étrangers n'ont pas compétence pour intervenir. Tout le monde a intérêt à mettre fin au despotisme khédivial, les Égyptiens comme les Européens. Alors, cela, il faut bien comprendre, au début des années 1880, on est dans la foulée des mouvements réformistes des décennies précédentes, avec la conviction dans les élites ottomanes que les institutions représentatives sont l'un des moteurs de l'avance européenne sur les pays d'Orient. Et donc, et c'est ça le problème, c'est pas vraiment la question de la représentativité politique qui intéresse les réformateurs, c'est plutôt l'idée de rattrapage de l'Europe qui est considérée comme le véritable objectif. Et je pense que ça, c'est un défaut de fabrication un peu général de tous les programmes politiques arabes qui ont toujours été conçus dans une optique de rattrapage par rapport à l'Europe et à l'Occident. Donc, successivement, on pourra adopter le libéralisme, le nationalisme, le marxisme, voire l'islamisme, puisque en réalité, à chaque fois, ces programmes politiques ont plus été considérés comme des instruments de rattrapage que comme des buts en soi. Même si, évidemment, on a toujours eu des gens qui étaient sincèrement marxistes, nationalistes, islamistes, etc. Mais il y a toujours eu une vision instrumentale des programmes politiques dans le monde arabe, parce que la réalité, elle est là de façon permanente, c'est l'antagonisme par rapport à l'Europe et à la domination européenne. D'où le discours de l'époque, par exemple des articles des journaux, qui affirment la compatibilité entre les principes de l'islam et les valeurs dites européennes. Je vous cite un article de cette époque. « Il est étonnant de voir des puissances dont nous ne dépendons pas faire leur possible pour nous forcer à vivre à leur guise. » C'est contre toute règle, quand bien même nous serions dans les meilleurs thèmes avec cette puissance, que nous parlerions la même langue et que nous serions de la même nationalité. Nous vivons selon les lois de Dieu, inscrites dans le Coran et pratiquées par nos saints, lesquelles exigent toujours et partout la réorganisation des pays, les rapports de bon voisinage avec les autres nations, le bonheur et la sécurité des peuples. Nous pensons que les Européens croient que l'équité et l'égalité sont européennes, et qu'on ne peut pas les faire sortir de l'Europe et les implanter dans les meilleurs états de l'Orient. Sans cela, pourquoi veulent-ils intervenir dans nos pays opulents et puissants ? Donc, nous sommes en 1881, pas en 2011. Nous ne craignons pas que son Excellence, l'illustre Shérif Pacha, soit trompé par les idées erronées des agitateurs européens. Il sait bien que l'homme considéré est celui qui brave les difficultés et les surmonte. Il est encore bien persuadé qu'on ne peut avoir une existence heureuse qu'après avoir supporté des peines, et que si quelqu'un a pour fiancé une belle fille, il doit supporter avec patience les sommes qu'il aura à dépenser. Notre âme est la seule chose de valeur que nous possédions, et nous ne voulons vivre qu'honorablement, attendu que la vie méprisable est pire que la mort. Alors ça s'accompagne dans ces discours, dans ces campagnes de presse, de panégyrique de Rabbi présenté en héros national et en défenseur de l'islam. On exalte l'armée, dont on surestime la force, je cite, « Nous sommes bien sûr que dorénavant, tous les journaux étrangers s'occuperont à publier toutes les nouvelles de l'émir prince Ahmed Bey Orabi, le représentant de l'armée égyptienne, et s'empresseront de citer sa conduite et ses qualités. Et la plupart de ces journaux orneront leurs feuilles de son honorable portrait, mais ces journaux ne pourront publier que la vérité, c'est-à-dire qu'ils feront des éloges du savant Orabi Bey, qui est très versé dans la politique. Il connaît très bien l'histoire ancienne et moderne, et enfin, il possède une connaissance parfaite et approfondie de l'art militaire. Nous pouvons par conséquent le considérer comme le tiers du siècle, comme le tiers, enfin, monsieur tiers, hein, et le Bismarck de l'Égypte. Bismarck est toujours au pouvoir à ce moment-là, en Allemagne. Demandons tous à la Providence de nous conserver ce guerrier qui sans doute rendra un grand service aux indigènes. Nous savons tous ainsi que les journaux étrangers, que la présence au Caire de cet officier supérieur vaut mieux que 500 000 hommes armés. Il sera la cause de l'avancement du gouvernement égyptien qui permettra à son Altesse le Khédive, avec l'assistance de son armée, de faire reculer les troupes de n'importe quelle puissance de l'univers. Et cette presse égyptienne de langue arabe s'en prend vivement aux journaux européens, comme le Time de Londres, qui affirme que les Égyptiens sont incapables de progrès. En général, la presse anglaise est accusée de calomnier les musulmans, Et comme souvent, enfin comme l'essentiel à cette époque, il faut bien comprendre que les journalistes, la presse arabe de l'époque, c'est une presse d'opinion, fondamentalement, et que pour le reste de l'information, elle dépend des agences de presse européennes. L'agence Reuter, l'agence Havas, puisque nous sommes maintenant dans le monde des agences de presse, qui viennent juste d'apparaître, hein, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est par les agences de presse européennes que l'on s'informe sur l'Europe, mais les journalistes font des sélections à l'intérieur des agences de presse pour montrer ce que dit l'Europe ou ce que fait l'Europe. Enfin, l'Europe, pour eux, c'est essentiellement la France et l'Angleterre, en 1881. Alors, pour l'instant, Shérif est en bonne position, puisqu'il est à la fois l'homme indispensable, aussi bien pour l'armée, les conduves, les consuls et les notables. Ces derniers insistent pour que l'on convoque l'Assemblée des délégués, qui avait déjà été réunie sous Ismaïl, donc le Majlis al-Nawab, qui sont élus par les chefs de village. Dans leur conception du monde, il n'est pas question d'établir un contrôle parlementaire, mais de bien informer le gouvernement des intérêts de la classe des propriétaires fonciers, qui sont les maîtres de la campagne égyptienne. Et à dire vrai, il se sent être l'Égypte. Ça, il faut bien comprendre, c'est le rôle essentiel de ces notables, qui sont les propriétaires fonciers, qui sont soit des Turco-Circassiens, soit des Égyptiennes souches. Mais comme ils contrôlent la terre en Égypte, ils se sentent être l'Égypte. Tewfik, à la demande de Sharif, publie le 4 octobre une loi prévoyant la création d'une constitution et le mode d'élection d'une chambre de délégués. Le mandat de la chambre est de discuter les questions d'utilité publique et d'émettre des avis sur les projets que le gouvernement lui soumettra. Ces travaux seront soumis à la sanction de la Chambre. Les circonscriptions seront fixées en fonction de l'importance de leur population. Dans les campagnes, le rôle de chef de village est absolument essentiel. Je cite un morceau de la loi. Les chefs de communes, appelés à ces fonctions par le vœu des habitants, représenteront de droit la totalité des électeurs de leur commune en choisissant au nom de leurs administrés dans leur circonscription le député chargé de les représenter. Donc en réalité, c'est une chambre élue par les chefs de village, les Ramda. Hein, vous rappelez l'anecdote, elle est célèbre, l'archéologue français qui fait des fouilles et qui trouve une statue de scribe, sort la statue du scribe et à ce moment-là, les paysans ont dit « mais c'est le Cheikh el-Beled ». C'est le chef du village, c'est la fameuse statue de Cheikh el-Beled qui se trouve actuellement au Louvre, marquant la continuité historique de l'histoire de l'Égypte. Et bien plus tard encore, sous l'Égypte libérale, c'est-à-dire entre 1922 et 1952, on dira que ce sont les Ramda qui font les élections, qui font voter les paysans dans un sens ou un autre dans les élections égyptienne. Donc c'est vraiment dans la société égyptienne le noyau de base du pouvoir, c'est-à-dire ces chefs de village qui sont des petits notables locaux et qui sont dans des rapports de clientèle avec les grands propriétaires et les grands notables. Dans une lettre Khedive, le Premier ministre, donc Sharif, explique le sens de l'entreprise. Aussi bien votre Conseil des ministres considère dès aujourd'hui comme un devoir de demander à votre Altesse de répondre aux besoins du pays en réunissant les notabilités de l'Égypte pour les consulter sur les besoins des provinces, leur exposer les défauts de l'administration et réaliser avec le concours de leur expérience les réformes nécessaires. Le gouvernement, en accord avec la Chambre, proposera de sages réformes en ayant regard aux droits du chef de l'État et de la situation particulière de l'Égypte. Les engagements internationaux de l'Égypte, en particulier en matière financière, ne pourront être modifiés qu'avec l'assentiment des puissances. Et les élections auront lieu le 23 décembre 1881. Alors, on voit très bien que là, on est encore dans une logique de consultation, de choura, au sens fort du terme. Il ne s'agit pas du tout d'une logique de représentation politique. La Chambre des notables est là pour informer le pouvoir des besoins de la société égyptienne, non pas pour décider à la place du pouvoir. Et grâce à cet appel à la formation d'une chambre des notables, on peut calmer la situation et les militaires égyptiens évacuent le Caire en octobre 1881. Donc le consul de France à ce moment-là peut résumer ainsi la situation politique de l'Égypte. En deux années environ, l'Égypte a passé presque sans transition d'un régime despotique à un régime qu'il est difficile de qualifier, puisqu'il est impossible de dire où réside aujourd'hui le pouvoir effectif. Il n'est ni chez le Khedive qui n'est plus qu'une sorte de formule, ni chez le Premier ministre qui n'a pour lui que son prestige, ni chez les colonels qui n'ont point le droit pour eux, ni chez les notables qui sont divisés et dont le rôle ne fait que commencer. Alors que, grâce à Chérif, les choses ont l'air de se calmer, c'est l'arrivée de deux commissaires ottomans venus pour s'informer. Alors tout le monde, évidemment, fantasme sur l'arrivée des deux commissaires ottomans, puisqu'on a à l'esprit la déposition d'Ismaïl et celle de Midhat Pacha. Donc, on se demande s'ils n'arrivent pas avec un ordre de déposition venu de Constantinople. Et du coup, les Français et les Anglais décident de faire une démonstration de force pour, entre guillemets, protéger l'indépendance de l'Égypte, c'est-à-dire, selon la règle de la diplomatie de la canonnière, la France et l'Angleterre envoient chacun cuirassé au large d'Alexandrie. Donc vous avez la représentation du cuirassé français de l'époque, c'est l'Alma. Nous sommes à une époque de transition, puisque nous avons déjà des navires cuirassés qui sont à vapeur, mais il y a encore une navigation à voile possible. Pour moi, ces images-là représentent exactement l'univers de Jules Verne, si vous vous rappelez des gravures d'Hetzel. C'est ce caractère très typique des années 1880, où on est à la fois encore dans l'ancien et complètement dans la modernité. Je vous rappelle que l'électricité commence dans les années 1880 en utilisation industrielle en Europe pour l'éclairage et différentes autres choses du même genre. En fait, les commissaires ottomans, ils ne sont pas du tout venus pour déposer le Khedive, ils sont venus parce que Abdelhamid est obsédé par la fameuse conjuration arabe qu'il voit partout depuis la chute de Midhat. Donc la première chose que fait le Khedive et le Premier ministre, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de conjuration arabe en Égypte et que l'Égypte est tout à fait satisfaite de sa situation à l'intérieur de l'Empire ottoman, que la Constitution, c'est pas important, que la Chambre des députés n'est que consultative et ne se mènera pas de politique. Et les conseillers ottomans disent « Oui, mais d'accord, mais ne prenez pas de fonctionnaires européens. » Et les Égyptiens répondent « On voudrait bien, mais on peut pas, parce que les Européens nous ont imposé de recruter des fonctionnaires européens. » Ensuite, les commissaires ottomans vont interroger les colonels sur les événements et ils répondent qu'ils sont soumis aux autorités. Donc, ils ne reçoivent qu'un cours de morale civique, si j'ose dire, de la part des commissaires ottomans. Il faut qu'ils aient une obéissance inconditionnelle au pouvoir et défendent la relation entre l'Égypte et le gouvernement ottoman. Le Khedive est le représentant du sultan. Celui qui obéit au Khedive obéit au sultan, celui qui s'oppose au Khedive s'oppose au sultan et donc au précepte du Coran. C'est logique, c'est une vision libérale de l'islam, si on peut dire. Alors, la réponse va dans le même sens. L'armée n'a jamais remis en cause l'autorité et la suprématie du sultan de la nation musulmane en Égypte. Alors, pour nation, ici, c'est Mullah. Elle n'a agi que pour redresser la politique de Riaz, qui apportait tort à la patrie, le sultan et le khédive. Tous les musulmans doivent s'allier pour défendre l'Empire ottoman. Les notables font des déclarations identiques. Et pour conclure, tout le monde reçoit des décorations ottomanes, puisque selon le principe bien connu de Napoléon, on gouverne les gens par des hochets. Et donc on distribue des Nissan, je ne sais pas quoi, à foison. Ensuite, par hasard, le commissaire ottoman rencontre Orabi, qui par hasard se trouve dans le delta du Nil. Et il donne sa version des événements et marque qu'il n'y a pas de rébellion et qu'il est obéissant au sultan. Donc les Ottomans sont partis, les deux commissaires sont partis au moment où des cuirassés français et britanniques arrivent devant Alexandrie. Et donc, comme leur présence est devenue inutile, les deux bateaux repartent immédiatement. Et l'affaire est peut-être considérée comme close, mais avec toujours cette situation habituelle, c'est que si les relations sont excellentes entre Paris et Londres, elles sont exécrables entre les consuls de France et de Grande-Bretagne sur le terrain. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, la crise égyptienne de 1881-1882. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien publie à la mi-février Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914 chez Fayard. Je rappelle également son ouvrage L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous retrouverons Henri Laurence sur l'Égypte au tournant des années 1880 pour son cours « Les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle ». Et dans quelques instants, « Les petits matins » d'Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.